Magicien d'Oz, chroniqueur. 2008, il est temps de ramener du frais. Le rap pue, mais les gens ont le nez bouché. Ça parle de rue et de méchants garçons. Ça joue les fous, puis repart en caleçon. Ok, vive les meufs et les infrabasses à fond. J'suis dans la teuf, ça fait façon. Classe, dosi, dosé, al, flow phénoménal. Mon bédou te met mal, tu ferais mieux tes cales. Des balles, tu t'envoles au Népal par la voie mentale. La démarche bancale, ton rythme cardiaque s'emballe. Dans ta tête, le dédale, tout ça m'est égal. Trouve mon son à Châtelet les Halles. Chez un bon disquaire ou dans un squat illégal. J'en connais beaucoup qui tournent pas qu'à l'eau minérale. Mon son est pur pour tes oreilles, le cadeau idéal. Je repeins les murs même en période hivernale. Avec les frères dans des endroits hyper sales. Tu voulais que je te fasse l'improvisation de l'année. DOZ là ne représente pas les fleurs fanées. Non, c'est l'euphorie. Je te l'ai déjà dit, on ne joue pas dans la même catégorie. Mais dans grain, j'ai mal aux gencives. J'sais plus où j'en suis. Certains me regardent de haut, voilà pourquoi j'ai pas l'air gentil. J'connais trop bien la vie aillée, elle fait plus de surprises. Donc j'en profite, j'ferai pas le mec stupide en face d'une bitch. J'ai trop de soucis et ça me préoccupe. J'suis loin d'être parfait, des conneries j'ai jamais dit que j'en ferai aucune. L'erreur est humaine, c'est vrai, j'suis têtu, mais tu m'accepteras comme je suis, salope si tu m'aimes. Moi j'suis mi-ange, mi-genoun. Pas un acteur, juste un rebelle à la Robert Mitchum. Bref, en fait j'suis dans le vrai, tellement près du succès. On me dit que je manque de tendresse. Rien que ça parle, les gens d'ici m'agacent. J'imagine que tu me comprends ainsi, si chacal. J'suis pas à vendre, moi j'me défends depuis la traite des nègres. J'ai les nerfs, alors me fredonne pas tes textes de merde.